France Inter, franceinter.com. C'est un véritable rebondissement. La Libye ne serait sans doute pas impliquée dans l'attentat contre le Boeing 747 qui a explosé en 1988 au-dessus de l'Écosse, à Lockerbie exactement. Ce que disait déjà M. X en 1998. Aussi, je vous propose de réécouter intégralement cet enregistrement, mais d'abord, j'ai demandé à mon interlocuteur pourquoi l'agent secret libyen, considéré jusqu'à aujourd'hui comme le principal instigateur de cet acte terroriste qui a provoqué la mort de 270 personnes, sera rejugé et peut-être innocenté. Ce Libyen, Abdelbaset al-Mekhahi, il faut d'abord le rappeler, a été livré par son propre pays à la justice écossaise. Et la Libye a consenti à payer d'énormes indemnités aux familles des victimes. C'est exact. Kadhafi a donc, par la même, reconnu en quelque sorte cette culpabilité. Enfin, n'oubliez pas que la Libye était alors soumise à une considérable pression de la part des anglo-saxons et qu'elle a fait l'objet d'un sévère embargo international qui lui a coûté très cher. Embargo qui a été levé lorsque Kadhafi a livré ses deux compatriotes. Qui ont été jugés en 2001, oui. L'un d'eux a été acquitté, mais Megrahi a été condamné à la réclusion à perpétuité. Mais il a toujours protesté de son innocence. Et vous-même, vous m'avez dit il y a 10 ans que vous ne croyiez pas à l'implication de la Libye. C'est juste. Et je vous avais expliqué pourquoi. Enfin, je ne croyais pas avoir raison si tôt. Il y a donc un élément nouveau. Un témoignage, oui. Un homme qui a sciemment menti aux enquêteurs et qui a même introduit une fausse pièce à conviction. Un objet capital qui a permis d'incriminer les Libyens. Quoi alors ? Un retardateur de mise à feu. Une petite pièce électronique très sophistiquée qui ressemblait beaucoup à d'autres retardateurs vendus quelque temps plus tôt à la Libye par une société suisse. Alors, je vous propose de réécouter votre entretien donc d'il y a 10 ans et je vous retrouve tout de suite après. If you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say. But you're just some incapable figure, thinking you're bigger than me. But you're not yet. You don't know a thing about the youth of today. Stating your opinion, making it ring in my head all day. And you say, my children weren't the same. My children's children, they're the ones to blame. And you say, in my day we were better behaved. But it's not your day. No more. And we are the youth of today. Change your hair in every way. And we are the youth of today. We'll say what we wanna say. And we are the youth of today. Don't care what you have to say at all. And maybe if you had a true point of view, I would listen to you. But it's just your one-sided feelings, they keep getting in my way. And you don't know a single thing about the youth of today. Thank you. don't care what you have to say at all. We wanna say, and we are the youth today. Don't care what you have to say at all. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ce genre d'affaires se prête à toutes les manipulations. Et dans le monde bouillonnant du terrorisme international, il est aisé de brouiller les pistes à l'infini, d'entretenir la confusion, d'égarer la justice. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le crash du Boeing de la Paname. Ouais. Un rappel des faits, peut-être, d'abord. Oui, ce 21 décembre 1988, en début d'après-midi, le vol 103 de la Paname décolle de Francfort. Après une escale à Londres, le Boeing 747 doit rejoindre Détroit. À bord, il y a une majorité d'Américains qui travaillent en Allemagne et retournent au pays pour les fêtes de fin d'année. Lorsque le jumbo jet baptisé Maid of Sea, c'est-à-dire la demoiselle de la mer, redécolle de Londres après 2 heures d'escale, 259 personnes se trouvent à bord, passagers et membres d'équipage compris. Une demi-heure plus tard, l'avion vole déjà à plus de 30 000 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 9 000 mètres, et le personnel de bord sert l'apéritif. Et où se trouve alors l'avion là ? L'appareil survole alors l'Écosse. Le commandant de bord a choisi la route nord, celle qui passe par le Groenland. Soudain, une violente explosion secoue le Boeing 747. Elle s'est produite à l'avant, sans doute dans une des soutes à bagages. Immédiatement, le jumbo jet prend feu et se désintègre. Au sol, dans le petit village de Lockerbie, c'est l'épouvante. Et il y aura des victimes parmi les villageois. Oui, une dizaine, car des fragments enflammés tombent sur le village. Des maisons brûlent. Partout, il y a des milliers de débris, des dizaines de corps dont certains sont encore attachés à leur fauteuil. Parmi les passagers, il n'y a bien sûr aucun survivant. Ouais, 9000 mètres. Et on pense tout de suite à un attentat. Très vite. L'appareil était en excellent état. Et un premier examen des fragments du fuselage ne met en évidence aucun indice d'une éventuelle fatigue de métal. Mais surtout, les boîtes d'enregistrement retrouvées après le crash ne font état d'aucune anomalie, à l'exception de ce que les spécialistes appellent un faible bruit, le dernier signal transmis par le Boeing avant qu'il ne se désintègre. Quoi, c'est l'enregistrement de l'explosion ? C'est vraisemblable. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, presque aussitôt après ce crash de Lockerbie, une violente polémique a éclaté. Et rappelez-moi. Eh bien, très vite, on a appris que l'attentat de Lockerbie était programmé et qu'un certain nombre de gens savaient qu'il risquait de se produire tôt ou tard. Mais c'est extrêmement grave, ça. Qui étaient ces gens qui savaient comment ? L'avait-il appris ? Ah, c'est l'un des grands mystères de cette affaire. Au début du mois de décembre. C'est-à-dire très peu de temps avant la catastrophe. Oui, une quinzaine de jours. Donc, au début décembre, un correspondant anonyme appelle l'ambassade américaine, Helsinki, au nom de l'organisation terroriste d'Abu Nidal. Et il indique que dans les 15 jours à venir, un attentat à la bombe sera perpétré contre un appareil de la Paname sur la ligne Francfort-États-Unis. Et c'est exactement ce qui va arriver. Oui. Mais dans ces conditions-là, comment a-t-on laissé faire ? Les autorités américaines se sont défaussées en prétendant, après l'attentat, que cet homme avait déjà appelé plusieurs reprises et que ses menaces n'avaient pas été suivies d'effet. Je ne vous sens pas très convaincu. Vous avez raison. La réalité est plus complexe, plus sordide aussi. Et c'est d'abord une affaire de gros sous. Expliquez alors. Le département d'État américain a informé l'administration fédérale de l'aviation. Et celle-ci, à son tour, a envoyé un bulletin d'avertissement aux compagnies aériennes et aux différents responsables d'aéroports internationaux. Mais tout ce petit monde a décidé de ne pas ébruiter l'affaire. Et pour quelle raison alors ? Pour ne pas perturber le trafic aérien. Je ne comprends pas. Mais si. Imaginez l'effet qu'aurait eu lieu cette information si elle avait été rendue publique. Des centaines, des milliers de voyageurs auraient renoncé à prendre l'avion. Et en cette période de fin d'année, où le trafic est particulièrement dense, ça aurait été catastrophique, financièrement. Catastrophe. Alors on a préféré le risque d'envoyer près de 300 personnes à la mort. C'est à peu près ça. Je dois quand même ajouter à la décharge de tous ces responsables que les menaces d'attentats étaient fréquentes et rarement sérieuses. Alors, une de plus, une de moins, et puis rendre publique cette information, c'était aussi encourager un bon nombre de plaisantins à proférer des menaces fantaisistes, et donc, à terme, risquer de bloquer le trafic aérien. D'accord, mais enfin, à défaut de paniquer le public, on aurait pu au moins prendre des précautions afin de prévenir cet attentat. Bah, encore une fois, vous avez raison, et là, manifestement, certaines autorités ont failli. C'est d'autant plus vrai que quelques semaines avant l'attentat, la police allemande avait fait une curieuse découverte. Quoi ? Une rafle avait eu lieu dans des milieux palestiniens suspectés de terrorisme. Et les policiers avaient saisi un curieux engin. Une bombe dissimulée dans un poste de radio qui ne se déclenchait que lorsque la pression atmosphérique baissait. Ah oui, comme dans la soute à bagages d'un avion de ligne. Exactement. Et c'est ce genre de bombe qui a été utilisé lors de l'attentat du Boeing de Lockerbie ? Ça paraît vraisemblable. En tout cas, après cette découverte, les policiers allemands auraient dû être un peu plus vigilants, non ? Ça semble évident. Alors, comment expliquez-vous cette série de négligences ? Bah, répondre à cette question, c'est donner une des clés de cette affaire. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ah ouais. Sachez seulement que le vol 103 de la Paname n'était pas tout à fait un vol comme les autres. Et pourquoi ? Bon, un peu de patience, je vous en prie. Bon, comme d'habitude, il va falloir que je me fasse une raison. Bah, écoutez, je vois que vous commencez à me connaître. En tout cas, expliquez-moi quand et comment les enquêteurs ont acquis la certitude qu'il s'agissait bien d'un attentat. Les Anglais, parce que ce sont eux qui ont d'abord mené l'enquête, ont très vite compris. Quelques jours seulement après le crash, ils se sont aperçus que l'armature métallique d'un des compartiments à bagages avait été déformée par une explosion. Ouais, c'est donc la preuve qu'on avait déposé une bombe dans la soute. Oui, et puis dans le même temps, les experts de la police scientifique ont mis en évidence la présence de résidus d'explosifs sur des débris de l'avion. Quel genre d'explosif, hein ? Un plastique très puissant, très performant. Ah oui, du Semtex. Ah, vous ne savez pas si bien informé dans ce domaine, mon cher. On a entendu parler de cet explosif fabriqué essentiellement en Tchécoslovaquie. Hein. Parfaitement. Vous en avez déjà vu ? Ah non, jamais. Non. Eh bien, c'est une substance très malléable de couleur jaune miel. Ça se manie comme de la pâte à modeler. Et surtout que ça n'est pas dangereux à manipuler. Je veux dire que ça ne risque pas d'exploser prématurément. On dirait que vous avez une certaine expérience. Oui, enfin, le Semtex a été l'explosif préféré des terroristes internationaux. Les Irlandais, les Arméniens et les Palestiniens, bien sûr, l'ont utilisé. Et dans les services, il a bien fallu se familiariser avec. J'ajoute que l'un des intérêts du Semtex, c'est qu'il lui suffit d'un très faible courant électrique pour exploser. C'est-à-dire ? Une simple pile de montres, par exemple, ce qui signifie qu'avec le Semtex, on peut donc disposer de bombes très discrètes. Et difficilement détectables. Oui, encore qu'aujourd'hui, on dispose d'appareils qui décèlent pratiquement toutes les molécules. Enfin, là, je m'éloigne un peu de mon sujet. Justement, il ne suffit pas de prouver qu'il y a eu attentat, encore faut-il découvrir qui en est l'auteur. Hein. Or, le Semtex, qui a été utilisé par presque toutes les organisations terroristes, n'est pas une signature satisfaisante. Bien évidemment. Mmh. Et les experts ont minutieusement examiné tous les débris de l'avion et ils ont trouvé... Quoi, alors ? Un morceau de plastique. Un minuscule morceau qu'ils ont découvert dans le col d'un vêtement. Tout petit, mais quand même suffisamment grand pour fournir l'amorce d'une piste. Dans les jours qui ont suivi le crash du Boeing de la Paname, de nombreuses hypothèses ont été émises. Et naturellement, on a d'abord pensé aux Palestiniens. D'abord, à cause de cette découverte des policiers allemands quelques semaines plus tôt, les hommes chez qui on avait trouvé une bombe susceptible de provoquer un attentat aérien appartenaient au Front populaire de libération de la Palestine, commandement général, l'organisation d'Ahmed Djibril, une formation pro-syrienne. Mais il y avait aussi ce mystérieux correspondant qui avait annoncé l'attentat 15 jours avant la catastrophe au nom d'Abou Nidal. Une piste d'autant plus vraisemblable que le terroriste palestinien était connu pour agir aussi en sous-main pour des pays comme la Libye ou la Syrie. Autre piste possible, l'Iran. Non seulement parce qu'un correspondant anonyme, encore un, avait revendiqué l'attentat au nom des gardiens de la Révolution, mais surtout parce que tout le monde avait encore à l'esprit la terrible bavure de la marine américaine qui avait abattu par erreur un Airbus iranien au-dessus du détroit d'Ormuz au mois de juillet précédent. Les Iraniens n'auraient-ils pas tenté de se venger? Mais pourquoi auraient-ils attendu 5 mois? Enfin, certains observateurs ont fait une relation entre l'attentat et le procès d'un terroriste chiite libanais, Mohamed Armadeh, procès qui venait justement de s'ouvrir à Düsseldorf. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit morceau de plastique et qu'est-ce qu'il a indiqué surtout? Ah ben, ça n'a pas été simple, mais les spécialistes, en examinant ce tout petit fragment de matière plastique, un morceau de circuit imprimé, l'ont identifié comme étant une partie d'un détonateur. Mieux, en le radiographiant, ils ont pu reconstituer son numéro de fabrication. C'est assez extraordinaire. Ah, hein. Tout à fait. Ouais. Rarement dans une enquête, on a une telle chance. En tout cas, à partir de ce numéro, on pouvait remonter jusqu'au fabricant et donc aux acheteurs éventuels. Bien sûr. Ouais. Mais la première constatation, toute simple, a d'abord été celle-ci. Le détonateur était assez semblable à celui qui avait été trouvé par les policiers allemands chez les terroristes du groupe d'Ahmed Djibril, terroriste protégé et armé par la Syrie. Semblable aussi à des détonateurs utilisés par 2 Libyens lors d'un attentat perpétré contre l'ambassade des États-Unis au Togo. Alors, conclusion provisoire. 2 États, la Syrie et la Libye du colonel Kadhafi, pouvaient être légitimement soupçonnés. Mais la suite de l'enquête allait réserver bien des surprises. Je vous écoute alors. Les enquêteurs, et parmi eux, il y avait maintenant des Américains, sont donc allés frapper à la porte du fabricant de ces détonateurs, un citoyen suisse de Zurich, un certain Bollier. Un type étrange, mais vraiment très étrange. Pourquoi ? Lorsqu'on a appris très vite que cet industriel avait des liens privilégiés avec l'Allemagne de l'Est. C'était un agent ? En tout cas, il fréquentait les gens de la Stasi et se rendait assez souvent à Berlin-Est. D'ailleurs, plus tard, après la chute du mur, on a découvert qu'il était réellement considéré comme un auxiliaire par les hommes de Marcus Wolf. Il vendait donc ses détonateurs à l'Est ? Oui. Ouais. Ben, ça voudrait peut-être dire alors que la RDA aurait pu être impliquée dans l'attentat de Lockerbie. Bon, honnêtement, non. D'accord, les Allemands de l'Est faisaient affaire avec Bollier, mais leur service secret redistribuait ce joli matériel aux terroristes qu'ils soutenaient à l'occasion. Et ils étaient nombreux. Et puis dans ce monde du renseignement, les choses ne sont jamais tout à fait blanches ou noires, vous le savez bien. C'est vrai qu'à force de vous fréquenter... Hein. Allons, en tout cas, Bollier, lui, n'était ni blanc ni noir, il était plutôt gris. Ah, gris, vous voulez donc insinuer que Bollier mangeait à plusieurs râteliers? Ben voilà, vous m'avez compris. Alors, en dehors des Allemands de l'Est, avec qui collaborait-il? Avec la CIA. Et ça me paraît quand même extravagant, votre histoire. Ah bah, pas le moins du monde. Un type qui vend des détonateurs susceptibles d'être utilisés par des terroristes, c'est une fantastique source d'informations, non? Et justement, Bollier parle. Alors, que dit-il? Eh bien, il donne aux enquêteurs une des premières informations crédibles dans cette affaire. Il affirme avoir vendu une poignée de détonateurs du même type que celui de Lockerbie à des Libyens. Le filet se resserre autour de la Libye. Oui. Mais ça ne va pas s'arranger pour Kadhafi, parce que les enquêteurs s'intéressent également au bagage qui aurait contenu la bombe. Je vous passe les détails parce que ça serait fastidieux, mais en étudiant les ordinateurs qui gèrent l'acheminement des bagages à Francfort et en comparant avec les débris retrouvés à Lockerbie, on aboutit à la désignation d'une valise marron, une Samsonite, un bagage qui serait arrivé à Francfort dans un vol en provenance de Malte. Malte, c'est tout près de la Libye. Exactement, mais je vais y revenir. Notez bien que cette valise, malgré toutes les consignes de sécurité en vigueur, aurait été embarquée dans les soutes du Boeing de la Paname, alors même que son propriétaire n'était pas enregistré sur le vol 103. Et que s'est-il passé, alors, à votre avis? Je vous ai déjà dit que ce vol 103 n'était pas un vol tout à fait comme les autres. D'accord, enfin, ça ne m'avance guère. Hein. Eh bien, sans vous donner immédiatement toutes les clés de l'affaire, je peux déjà vous dire que certains avaient pour consigne de fermer les yeux sur d'éventuelles anomalies. Comme l'enregistrement de bagages isolés? Tout à fait. Bon, revenons à Malte. Les enquêteurs font le déplacement dans cette île accueillante où traditionnellement les hommes de Kadhafi circulent comme ils le veulent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils recherchent, ces enquêteurs? Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Ils s'intéressent aux vêtements retrouvés à proximité de la valise marron qui a contenu la bombe. Il y a là une chemise d'homme et aussi des vêtements de bébé. Tous portent des traces de Semtex. Donc il y a de fortes chances qu'il se soit trouvé dans la valise. Oui. Et ces enquêteurs pensent qu'il y a une petite chance qu'ils aient été achetés à Malte ? Bah, pourquoi pas ? Vous me semblez sourire de façon curieuse, hein ? Oui, bon, allez, je ne vais pas finasser, mais je trouve que tout cela est cousu de fil blanc, si je puis dire. Écoutez, les enquêteurs britanniques débarquent donc à Malte. Très vite, ils identifient l'entreprise de confection maltaise qui a fabriqué ces vêtements. Coup de chance. L'un des vêtements de bébé n'a été fabriqué qu'à 500 exemplaires, tous distribués chez des détaillants de Lille. Alors ils vont donc ensuite chez les détaillants, là. Bien sûr. Ouais. Et second coup de chance, l'un de ces détaillants, dont la boutique se trouve à quelques centaines de mètres à peine de l'aéroport, se souvient. Il est même extraordinairement précis. Son client était de type méditerranéen et c'était sans doute un Libyen. Mieux, le commerçant a une telle mémoire que les policiers peuvent établir un portrait robot de l'acheteur. Et ça donne quoi ? Un miracle. L'homme est presque aussitôt identifié. C'est un certain Abdelbasset Ali Al-Magraï, un membre des services de sécurité libyens. Et il aurait agi avec un complice de la compagnie Libyan Airlines. Le commanditaire aurait été le propre beau-frère de Kadhafi, Abdullah Senoussi. Le dossier semble bouclé. Kadhafi est clairement montré du doigt. À l'évidence, c'est le résultat auquel on voulait aboutir. Tous ces miracles, là. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. Il paraît clair, à l'écoute de la précédente partie de l'interview de M. X, que mon interlocuteur suggère que l'accusation contre la Libye fait partie d'un montage, et donc d'une opération de désinformation. Nous verrons dans un instant pourquoi. En feuilletant la collection du Monde diplomatique, j'ai retrouvé la trace d'une étrange affaire qui s'est produite 2 ans avant l'attentat de Lockerbie. Le 25 août 1986, le très sérieux Wall Street Journal dévoile que les États-Unis et la Libye sont sur la voie d'un nouvel affrontement. Cette escalade trouverait sa source dans les indications recueillies par l'administration républicaine suivant lesquelles Kadhafi aurait repris la planification et la préparation d'actes terroristes. Une information reprise par le commandant en chef des forces de l'OTAN et développée par l'envoyé spécial du président Reagan, Vernon Walters, lors d'une tournée européenne où il rencontre les principaux dirigeants. Aussitôt, la tension monte en Méditerranée. Mais un mois plus tard, un autre quotidien, le Washington Post, révèle que toute cette campagne fait partie d'un plan préconçu. La preuve, c'est un mémorandum du conseiller de Reagan pour les affaires de sécurité nationale, John Poindexter. Celui-ci écrit « Un des éléments clés de la nouvelle stratégie est de combiner les événements vrais et fictifs à travers une campagne de désinformation. Un projet visant à déstabiliser Kadhafi pour le forcer, suivant la formule même du président Reagan, à se demander chaque fois qu'il va se coucher ce que nous allons faire. » À noter que cette entreprise de désinformation est intervenue juste après le raid aérien américain sur Tripoli et Benghazi, raid au cours duquel ont été tués des dizaines de civils et la fille adoptive de Kadhafi. Si je vous ai bien entendu, là, cette accusation de la Libye procède donc d'une opération de manipulation, je ne me trompe pas. Hein. Naturellement. Mmh. N'oubliez pas que le fabricant de détonateurs, ce Bollier, était dans les mains de la CIA. Oui, mais attendez, pour quelle raison? Kadhafi, on le sait, a toujours été la bête noire des États-Unis. Mais est-ce que ça suffit à expliquer cet acharnement? Non. Non, il était évident qu'il y avait d'autres choses, mais quoi? Ben, c'est ce que je vous demande. Ben, je vous ai souvent parlé des étranges relations qui existent entre les services secrets et le monde du grand banditisme. De relations parfois inévitables, mais des liaisons dangereuses, très dangereuses. Et j'affirme que la catastrophe de Lockerbie n'est que la conséquence d'une imbrication entre ces deux mondes. Oui, soyez plus précis quand même. Volontiers. Les années 80, ce sont les années des prises d'otages. Au Liban, oui. Au Liban, oui. Des Français, des Anglais, des Américains sont enlevés, vraisemblablement par les intégristes du Hezbollah. Mais ces années 80 voient aussi une explosion du trafic et de la consommation de drogue. Or, une partie non négligeable de la production de drogue vient du Liban. Oui, la plaine de la Bekaa. Oui, une région qui est alors contrôlée par le Hezbollah sous le parrainage syrien. À la faveur de la guerre civile et de la désorganisation totale des autorités libanaises, on peut alors y cultiver le pavot en toute tranquillité et en tirer des profits substantiels. Ouais, pour acheter des armes, par exemple. Bien sûr. Pour être juste, je dois dire que la plupart des factions libanaises se sont livrées au trafic de drogue. Mais là, je m'égare un peu. Aux États-Unis. Dans les services de la DIA... Qu'est-ce que c'est la DIA? La Defense Intelligence Army, le service de renseignement de l'armée, et aussi le plus important service secret américain avant même la CIA. Donc, à la DIA, on imagine de combiner une opération avec les STUP américains. Quel genre d'opération? Un système où les Américains sont passés maîtres. Une opération d'infiltration des réseaux de trafiquants. Dans le but de les démanteler, enfin, à terme, oui. Mais le premier objectif, c'est d'abord de comprendre quels sont les rouages du trafic. Et le second objectif? Celui-là, il est beaucoup plus malin. Les Américains imaginent qu'en infiltrant les réseaux de trafiquants de drogue, ils vont remonter jusqu'aux responsables du Hezbollah. C'est-à-dire aux ravisseurs, à ceux qui détiennent les otages occidentaux. Exactement. Ouais. Et ils procèdent comment, alors? La législation américaine est dans ce domaine plus souple que la nôtre. Elle permet par exemple à un agent des STUP de se livrer au trafic de drogue, si c'est pour la bonne cause. L'arrestation des dealers. Hein. Oui. Les Américains ont une expression pour cela. Ils appellent ça des livraisons contrôlées. Et ça marche? En tout cas, ça a fonctionné à de multiples reprises. Oui, non, mais dans le cas libanais, là. Eh bien, au début, ça a fonctionné pas mal du tout, presque trop bien. Racontez. Assez rapidement. Les agents des STUP, secondés par ceux de la DIA, ont réussi à établir des contacts avec les trafiquants libanais. Et ils ont joué leur rôle avec une grande efficacité. C'est-à-dire qu'ils ont permis à leurs correspondants d'acheminer de la drogue aux États-Unis en toute sécurité. C'est dangereux, ça. Hein. Oui, mais c'est ça le système des livraisons contrôlées. Il faut donner confiance. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire pourvoyeur de mort. Mais vous m'avez dit que ça a presque trop bien fonctionné. Bien sûr, et pour deux raisons. La première, c'est que tout homme, un jour, peut se laisser tenter. Vous voulez dire que ces agents américains des STUP sont devenus des ripoux? Certains, oui. Ils voyaient passer de telles sommes d'argent que c'était vraiment tentant. Et c'est comme ça que les dérapages ont commencé. Alors, la deuxième raison? C'est qu'en face, ils avaient un partenaire redoutable. Qui? Rifaat el-Assad, le frère du président syrien. Et qui dirigeait à l'époque, il faut le rappeler quand même, les services secrets de son pays. Oui, il était clair que c'était Rifaat qui contrôlait en réalité les trafiquants de la plaine de la Beka. Et ça changeait tout. Pourquoi ? Parce que le Syrien, qui est loin d'être un imbécile, pouvait voir clair dans la manœuvre des Américains et les utiliser à leur tour. D'accord, mais enfin... Et si on revenait quand même au dossier du Boeing de Lockerbie, hein ? Ah ben, je croyais que vous aviez compris. En partie, au moins. Le vol 103 de la Paname était un des vecteurs du trafic. Vous voulez dire que la drogue était convoyée sur cette ligne ? Oui. Et les services de police, mais aussi les douaniers, étaient invités à fermer les yeux. Et même les Allemands ? Même les Allemands, oui. Ils étaient dans le coup. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le vol 103 n'était pas un vol comme les autres. Oui, mais attendez, le rapport avec l'attentat, là... J'y viens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cet entretien. En octobre, 2 mois avant le crash de Lockerbie, les policiers allemands opèrent une rafle chez les membres du réseau d'Ahmed Djibril lié à la Syrie. Le matériel qu'ils trouvent indique que les terroristes préparent un attentat contre un avion de ligne. Mais négligence coupable, on en reste là. Hein. Oui, parce qu'on ne veut pas voir clair. Parce que les Américains qui cornaquent les services secrets allemands ne croient pas à la menace syrienne. Pour eux, le premier état terroriste, c'est la Libye. Et la découverte allemande ne colle pas avec leur schéma. Et c'est une erreur considérable. Parce que Djibril, malgré la rafle opérée en Allemagne, n'est pas décidé à renoncer. Alors c'est donc lui le coupable ? Évidemment. Et ça va être d'autant plus facile pour lui que grâce à ses contacts avec les services syriens... Les Fateh al-Assad. Bien sûr. Ça, ouais. Donc grâce à ses contacts, il est parfaitement au courant du trafic de drogue qui passe par le vol 103 de la Paname. Et c'est un de ces hommes qui remplace les 2 ou 3 kilos d'héroïne qui doivent être convoyés vers les États-Unis par un transistor piégé bourré de Semtex. Une opération sans risque, puisque Djibril sait que ces envois sont signalés aux policiers et douaniers et ne font l'objet d'aucun contrôle. Ah, ce qui explique le mystère de la valise sans propriétaire. Oui, et le comble, c'est qu'à bord du Boeing, il y avait des agents des stupes américains, ceux-là même qui, depuis Chypre ou Beyrouth, avaient organisé toute la manœuvre d'infiltration des trafiquants libanais. À votre avis, là, les États-Unis ont donc découvert assez vite la vérité. Bien évidemment. Et la mise en cause de la Libye n'a été qu'une opération poudre aux yeux, destinée à effacer toute trace des erreurs commises par les services américains. Mais qui avait averti alors l'ambassade américaine à Helsinki de l'imminence d'un attentat ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il s'agissait d'un signal, d'un avertissement. En désignant ce vol 103, ce correspondant anonyme montrait qu'il était au courant du trafic de drogue. Ensuite, que s'est-il passé ? Ça, je ne sais pas. Mm-hmm. Dernière question, là, le mobile de Djibril. Écoutez, là encore, je n'ai pas de certitude, mais je pense que le véritable commanditaire de l'attentat se trouvait du côté de Téhéran. Et pourquoi alors ? Les Iraniens n'avaient jamais pardonné aux États-Unis leur terrible méprise du détroit d'Ormuz. La destruction de leur Airbus, là. Oui, le commandant du croiseur, Vincennes, avait cru être attaqué par un F-14. Lockerbie, c'était vraisemblablement la vengeance des Iraniens. Et Kadhafi, pour une fois, n'avait rien à voir dans cette affaire. Dans leur ouvrage « L'œil de Washington » paru chez Albin Michel, Fabrizio Calvi et Thierry Pfister font état de la défection d'un agent des stupes américains, Lester Coleman. Celui-ci a affirmé que le vol 103 de la Paname servait bien à convoyer la drogue libanaise jusqu'aux États-Unis avec la complicité des services américains. D'autre part, dans leur livre « Sur l'histoire de l'espionnage mondial » paru aux éditions du Félin, Genoveva Étienne et Claude Moniquet donnent une version assez proche de celle de M. X. Ils écrivent, je les cite, « Washington aurait tout fait pour brouiller les cartes et faire d'une pierre 2 coups en camouflant les erreurs de la DIA et en accusant la Libye. À moins, bien entendu, que cette dernière ne soit à l'origine d'une gigantesque opération de désinformation. » Alors c'était donc en partie la diffusion de l'enregistrement intégral de juin 1998 consacré à l'attentat de Lockerbie. Alors Monsieur Hicks, vous ne revenez pas sur ce que vous avez dit à l'époque ? Bien au contraire. Alors parlez-moi de cet élément nouveau là, qui vient d'intervenir. L'homme s'appelle Ulrich Lumper, ingénieur en électronique. Il travaillait à l'époque dans un laboratoire de Mebo, la société de ce Bollier dont je vous avais abondamment parlé. Dans une toute récente déposition spontanée devant la police suisse, il a affirmé avoir volé un retardateur de mise à feu et l'avoir remis à un policier écossais qui l'a ensuite ajouté aux pièces à conviction recueillies à Lockerbie. Et pourquoi ce témoignage tardif alors ? Lumpert a dit vouloir soulager sa conscience. Et ça vous paraît crédible ? Pourquoi pas ? Mais il y a aussi un autre point important. Bollier lui-même a examiné ce fameux retardateur. Et il a affirmé qu'il faisait partie d'un lot défectueux qui n'avait pas été vendu. Or, si les Libyens ont effectivement acheté ce genre de matériel, ils ont reçu des appareils qui étaient en bon état de marche. Par conséquent, ce Lumpert là est allé prendre cette pièce dans le lot défectueux. Oui, oui. Ouais. Autre chose, la latitude de ce policier écossais. Bon, écoutez, je n'en ai pas la preuve, mais je suis à peu près sûr qu'il a agi à l'instigation des Américains. Il ne faut pas oublier que sur les lieux de la catastrophe, les agents de la CIA avaient préséance sur les enquêteurs écossais. Donc, on peut tout imaginer. Et alors, vous ne trouvez pas étrange que l'on dédouane la Libye et qu'on accuse l'Iran, au moment même où la Libye est l'objet de toutes les attentions, et l'Iran aussi, hein? Bon, écoutez, disons que ça tombe bien, c'est tout. Et remarquez bien que si à l'époque, on ne s'était guère intéressé à Ahmed Jibril et à son FPLP, commandement général, c'est qu'on n'avait pas voulu contrarier son protecteur. La Syrie. La Syrie, qui était alors une alliée contre Saddam Hussein. En tout cas, la Megrahi va être rejugée. La commission de révision lui a en effet accordé un nouveau procès. Et il ne fait nul doute que ce petit retardateur va peser très lourd sur les débats. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et bien sûr la podcaster. Et merci à Michel Biou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, un peu d'air frais, CO2 mon amour de Denis Chessou.